خدمك حلال بيبي بيت باس كروس كاس بول الراجل لالجي جلال حمداوي تكنيكو ميكرو كوموني حمداوي بوش دي فاس فاس سا فيان دو ميك ناس دو فاس فاس واش واش با لا ميغا افارا كاش كاش سي با لا حيش اون لي في اي بي ميم ريان دان لي بوش نو زي بي جي جي سا فلو بو سادي à la mamounia je joue mon tapis tu joues tes pumas les frères en cavale rouya c'est hardcore arrivé à la douane 20 euros dans le passeport winner winner winner. Évasion, chicha, cristal, cocktail au théâtre. Tapis rouge quand je débarque en Algérie. Escorte militaire, faites place, le chaoui est de sortie. On a les clés de l'aéroport de Bretna. Je prends à Alger, deux jours après je taille à Casa. Rouya, ça déchire d'être à Albi. La fierté est dans le sang, c'est le Maghreb uni. Tu es avec Mourad, Mourad, Chrysler. Y'a des vaillants, vaillants, Jigger, Jigger, le Maghreb, Maghreb. Et toute sa ferveur, et tu es touriste, touche pas à mon sœur.